de l'impuissance d'une perte de vie surgissent dans l'âme. Les souvenirs et la mélancolie inondent l'être. T'adorer, c'est ce qui m'a détruite. Le temps passe, j'accepte ce qui s'est passé. Arrive le silence. Un jour, soudain, j'écoute à nouveau cette musique harmonieuse qui remplit d'émotion ma tête et mon cœur. Tout s'est passé comme il devait. Les blessures guérissent petit à petit. Je commence à reconstruire chacune des ruines du désastre que tu as laissé moi. Je me rends compte qu'après la tempête, il y a toujours un rayon de lumière.